Ah non, moi sérieux, ça me fait chier de faire un morceau sur James. Oh merde, James, c'est toi? Oh, excuse-moi. Oh putain, c'est ta chatte? Ah, la vie de ma chienne. Des beignets. La graisse qui coule. Elle a la graisse qui coule. Elle a mouillé bandouille. Elle a la graisse qui coule. Elle a mouillé bandouille. Elle a la graisse qui coule. Elle a trop mangé de beignets. Oui, c'est bon. Je bois de l'huile tous les matins. À mon gros cul, ça fait du bien. Et ça fait même tomber mes seins. J'entre plus dans ma salle de bain. Grosse vache! Mais ferme ta gueule! D-I-A-M-S-Galop. Ah, c'est vrai que quand tu vois son cul, ça envoie du lard. J'adore la poésie. Ah, mon petit frère, il a trop kiffé. J'en rigole! Viens sur COD4, grosse pouf, je te fous une branlée, moi. J'en rigole! Ça, c'est du collègue, hein. Des collègues, un client, c'est tout. On est des collègues, nous. De la musique. Sale queeneuse. Toi qui es toute seule avec ton petit nom. Ou même pas une trappe. J'en rigole! À la crise des banlieues, c'est de ta faute, Diam. Ouais. Nous, on le dit, cache. Y'a rien d'anormal chez cette passion. Elle a une tendance à la obésité. Diam, dans la cité, il faut tout brûler à cause de toi. Allez, fermer ta gueule, pauvre con. Faut que t'arrêtes de chanter. C'est de sucer entre les repas. C'est qu'un trou, un trou, un trou sur patte. Oui, c'est qu'un trou, un trou, un trou sur patte, salope. Ne téléchargez même pas ces albums, c'est vraiment trop inaudible. Même pour ta sœur, le fais pas. Ça arrivera qu'elle crache sur tes parents après. Petite coquine, présente-nous ta sœur. Doucement, poupée gonflante, d'où te vient cette envie soudaine d'avoir un pénis? Il faut que je te mette au courant, ma poulette. Tu n'auras jamais une paire de testicules. D'ailleurs, tu ne les mérites pas, poufias. Quand je voudrais un avis, une recette de soupe ou une petite branlette, je te ferai ci. Hein, ma boule? Trou, un trou, un trou sur patte. Oui, c'est qu'un trou, un trou, un trou sur patte, salope. Tu sais, Diams, si je pouvais revenir en arrière, je paierais l'avortement à ta mère. Ouais, mais si j'avais croisé ton père, j'aurais dit de sodomiser ton frère. Cessez de sucer entre les repas.